his toeses aren't roses, as Moses supposes his toeses to be. Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously. A mose is a mose. A rose is a rose. A toes is a toes. Hoop-de-doo-de-doo. Muriel, son émission est commencée. Ben non, la madame a me appelé à ses querelles. À qui? À la station de radio communautaire francophone la plus vieille au monde. Pas CQRL, CQRL. Il y a un numéro de téléphone, ben voyons. J'ai tenté premièrement avec les ondes. Oh, les ondes de mon cerveau. Oh là là là là là là là là. Et puis, ah, ça n'a rien donné. Ben non, c'est normal. Comment cela? Ben c'est très loin, t'es très loin, CQRL. Ah, oh, je croyais que tu voulais dire que j'étais stupide. Ben non! Tu es une imbécile. Oh, c'est pas la même chose, stupide et imbécile. Non. Oh, OK. Trouve-moi des dérivés de stupide. Dérivés. Et attends un peu. Quand on dérive dans la stupidité, c'est dans la clémence totale. Oh. Dans la bouette. Oh. Dans la smoule. Oh. Dans la hiérarchie la plus élevée pour devenir comme ça incohérent et diaboliquement supérieur aux autres, s'imaginant l'être, mais ne l'étant pas vraiment. Oh. C'est aussi l'incapacité de communiquer avec plus noble que soi. Oh. Mais aussi... Oh. Chercher à ne rien comprendre à travers l'obscurité singulière de l'humanité incompréhensible. Si, Georgette. Si. Alors, j'ai tenté d'appeler à CQRL. Ah oui, c'est vrai. Par les ondes, oui. Et puis quoi? Ben, et puis les ondes. Ah, les ondes vont très bien. Ils ont mis, connais-tu ça, toi, l'ultrason? L'ultrason? Oui, c'est de la rapidité. Plus rapide que toi. Oh, c'est inadmissible. Ah, oh, c'est vrai, hein? Parce que t'es tellement... Oh, j'aime bien ça quand tu... J'aime, oui, continue, oui, je le veux, oui, Amadou, oui. Eh, voyons donc, là, oui, OK. Es-tu certain? Ah, très certain, moi, c'est certain. Oh! Alors, certaines... Oui, c'est moi. Certaines interlocutions cérébrales... Oh. Jusqu'à la plus symphonique de ma chevelure immonde m'a interpellé lorsque j'ai voulu appeler ces CQRL par les ondes cérébrales. Oh! Eh oui, parce que je n'avais pas la tonalité. Oh! Alors, je peux te... C'est 53 ohms pour... si je veux communiquer au niveau, pas avec le téléphone, mais avec mon cerveau, oui. Oh, mais c'est ça que j'avais pas. Je suis allé voir le site de CQRL, puis il parle pas de ça. Ben non. Ça, c'est pour les gens comme nous, là. OK. Oui. Excuse-moi, est-ce que j'aimerais savoir, là, avant de communiquer avec eux par mon cerveau, oui, est-ce que c'est les pilules bleues avant ou après? C'est pendant. OK, pendant. Si je m'étouffe, ben tu vas communiquer, mais c'est tout ton aura qui va monter et ta respiration va descendre. Et comme ça, ton pouls relativement absent va arrêter ton cervelet et avant tout le cœur. Et comme cela, tu vas t'élever et tu vas atteindre le niveau auditif de ces CQRL par les ondes spirituellement trop recherchées que tu peux pas comprendre maintenant. Oh! Parce que tu n'es pas aussi... Donc, si... Oh! Alors là, si tu... Excusez-moi, là, je suis en train de... Oui, non, je pars... Moi, je suis en bateau. Oui, parce que le train, c'est polluant. Puis le bateau, ben, il parle-tu? Moi, c'est un bateau à well. À well. À well. Il y a un bateau à moteur. Tu as le bateau à moteur. C'est pas un moteur, ça. Mais c'est un moteur buccal. Ah, OK, tu fais le bruit dans l'eau, oui. Et je tape des pieds en même temps. Je me tire en avant du bateau. Oh, pourquoi pas en arrière? C'est une maudite bonne idée. Je fais ça en avant depuis 20 ans, moi, là. Puis, hey, regarde-moi ça, je suis fatigué. Je suis mec comme un clou, puis j'ai plus une dent. C'est pour ça que je dois mettre ma prothèse cervicale accrochée à mes cheveux. OK! Alors là, si tu veux communiquer, excuse-moi, avec CQRL, allez-y. Alors, c'est des ohms, hein? Alors, ça, c'est en dehors, là. C'est pas le téléphone, c'est pas le cellulaire, c'est pas Internet. C'est quelque chose de beaucoup plus évolué. Oh! Alors, comment on fait? Excuse-moi. Alors, j'avais un petit gorgoton dans le fond de la gorgeotte. Alors, donc, c'est très simple. Hein? Mais arrête de dire la simplicité, ça me semble tellement compliqué. Mais non. Non, non, faut que tu syntonises. Hein? C'est simplement une question de capter la teneur la plus précise pour faire cible et toucher la mouche. Mais non, c'est faire mouche et toucher la cible. Faire mouche et toucher la cible. OK. Alors, c'est 153 ohms à la verticale. Je comprends pas. Mais non, non, non. Arrange ton cerveau comme ça, là, OK? Vois 153 ohms à la verticale et 17 charohms à l'horizontale, à la verticale. Oui, alors là, tu vas voir la pointe chute, si on appelle ça dans le discours humaniste ou terrien, le point de cible. Tu vas voir le point de cible. Là. Ça, à l'intérieur du point de cible, tu vas voir des ondes. Et dans ces ondes-là, tu vas sans doute voir un petit C qui se promène, hein, avec un petit K qui se promène, puis un R à l'intérieur, puis le L qui tourne comme ça. Hey, qu'est-ce que tu fais, toi? Le L, il tourne. Alors, tu rentres dans le L. De CQRL. Comme ça, tu vas être rentré dans l'onde. Dans l'onde. Dans l'ombre. OK, t'as dit dans l'ombre. Ben, moi, je m'en vais à Londres. Non, c'est mon filleul qui s'en va à Londres la semaine prochaine. Dimanche, je s'en vais à Londres. OK, ben, c'est pas une blague, c'est vrai. Ah, puis c'était sans doute une dislocation intellectuelle pour en arriver à ça. Alors là, tu vas voir le L. Et tu pénètre dans le « Ah, mon Dieu, il faut rien pour se protéger. » Non, tu te protèges pas, là, c'est un L lent et langoureux et labial. Alors, tu rentres dans le labial, oui. Ah, mon Dieu, c'est beau le labial, c'est très beau, mais c'est liquide. Hein? Oh, oui, il y a des vagues. Oui, il y a beaucoup de vagues dans le labial. Mais si tu te calmes, les ondes risquent de se calmer comme toi. Si tu es agité, elle s'agitera. Si tu es stressé, elle se stressera. Et si tu es électrisé, ah ben là, ça demande le serpent à sonnette. Ah, mon nom, c'est pas Python. Non, c'est l'anguille électrique. Oh, l'anguille électrique. Alors là, tu vois ça et tu peux communiquer. Dire, à quelle heure errance rénaldienne? Vas-y, on va rentrer dans le L. Rentre dans le L. À quelle heure errance rénaldienne? Vous écoutez CKRL, les 89.1 à Québec, la radio. Not exactly, what'd you say? She butted it and debated and don't. She butted it and debated and don't. And did it and button, boot and bing. She butted it and debated and don't. Did you hear what the lady said? Not exactly what she said. Did you hear what the lady said? Not exactly what she said. Did you hear what the lady said? Thank you. T'es sûr que tu es? Pour ça, ça dit la radio. Pour ça, ça a comme perdu dans l'univers. C'est pas tout à fait... Oh, la radio. C'est OK. Il manquait un bout. Ben oui, mais ça, c'est... Oh là là, Yogi. Oui. Yogi, hein? Ben oui, Yogi. Ben, parce que, hey, attendez, là, on m'a dit le L. Moi, je savais pas quel L, là. Est-ce que c'était L ou la lettre L? Parce qu'il y a tellement d'L, là. Ben là, attends. On va arrêter. Il y a trois L, OK? Il y a la lettre L, oui. Il y a elle, féminin, troisième personne du singulier du plausible. Oh, c'est très plausible, elle. Ah, on peut collaborer ça avec toutes les L, oui. Et il y a l'aile ou la cuisse. I-L-E. OK. Alors, si tu entretiens tous ces trois L-là, ça fait... L'ancina. Charmant. Merci. Je savais pas que vous étiez timide après avoir lu vos écrits, parce que vous y montrez une telle assurance. Oh, l'assurance, vous savez, dans mon univers, surtout dans les médias, on tente d'avoir, de sembler autonome intellectuellement parlant, mais nous sommes accrochés à nos souvenirs. Nous ne sommes que des créateurs vulgaires et singuliers. Nous sommes comme des brebis attachées par la lèche des souvenirs. Nous sentons en dehors de vous, peuple. Folie n'est pas des raisons, mais foudroyante lucidité. Région du charme. La de Molière. Non, c'est l'avaler des avalés. Oh! La vie ne se passe pas sur la terre, mais dans la tête. Ça, c'est la. Encore région de charme, là. Dans la. La chose de la chose, dans la chose. Dans la chose, il y a des choses. Dans la chose, il y a des choses. Dans la chose, dans la chose, la chose. Oui! Qu'est-ce qui se passe, là? Ben, on est dans la chose, OK. Et à l'intérieur de la chose, il se passe tellement... Mais ben oui, attendez, il se passe tellement... On n'a même pas dit qu'est-ce qui se passait là, puis on est certain de rien, là. On va rentrer dans la chose, on va vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la chose, là. Les gens sont pressés en 2011. Ils veulent, sans le savoir, rentrer déjà dans la connaissance universelle. Faut vivre une stupidité, après ça, tu gradues, là. Tu peux pas être immensément sage avant d'être... Avant tout d'être un crétin. Le crétin va peut-être un jour s'évaluer lui-même et se trouver un peu moins brillant, puis là, peut-être un peu plus agité, puis une connaissance moyenne, puis surnaturelle, puis en dehors des sentiers battus, peut-être à l'extérieur de la coche, puis souvent! Trop intelligent pour le reste de la planète. Et comme ça, on s'exclut. Hey, il y a trois semaines, c'était la semaine de la santé mentale. Et Rance Rénaldine le souligne. Oh, alors c'est très... Oui. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la... Ah, taisez-vous! Hé, hey, wow! Monsieur! Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Alors, écoutez-moi. Ben, là, on demanderait à M. Thibodeau de sortir, OK, cet énergumène. On l'a invité pour être auditeur et non pas pour... même pas auditeur, pour être spectateur et non pas auditeur. Et il me semble qu'il sème le trouble et qui cherche le trouble trouve l'errant rénalien. Bienvenue à la douce rénalité. Allez, cachez-moi ça, cette affaire. Menotte au point. Point dans la bouche. Bouche dans la... Oui, merci. Reculez. Bon, merci. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. Tout va bien, monsieur. Arrêtez de pleurer. Êtes-vous certain? Oui, très certain. Ben oui, arrêtez ça. Tout est calme. Tout est en chute libre. La société se pend aux lèvres. Donc, ça va être une journée comme les autres. Pas du tout. Ce sera une super journée pour quelqu'un sur la planète. Quelqu'un vivra quelque chose d'exceptionnel, d'extravagant, d'hors norme, et nous lui souhaitons une belle journée. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. Ah, hey, taisez-vous! Ah! Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Alors, écoutez-moi. Bienvenue à l'histoire. Je suis baïonné. Avec de la mayonnaise. Beaucoup de mayonnaise, pas de match-up. Plus de match-up, moins de mayonnaise. Le match-up, là, c'est à coup de... s'il vous plaît, mettez des coups pour que le match-up coule. Si ça coule pas assez, moi, je vais aller avec des... Ça, c'est pas violent, ça, là. C'est très doux, là. On va... Ben oui, c'est de la watt. De toutes les matières, c'est la watt qu'elle préfère. Sensible et les passives, en négligeant le soin. C'est la watt. De comment? C'est la watt. Mets ça dans le micro. C'est la watt. Merci. Mets ça dans le micro, ce son-là. De toutes les matières, c'est la watt qu'elle préfère. Pensive et les pensives, en négligeant le soin. C'est la watt. De toutes les matières, c'est la watt qu'elle préfère. Pensive et les passives, en négligeant le soin. C'est la watt. C'est la watt. C'est la wa pika na shina. Ewa uni. Bienvenue à la douce rénalité, t'étais prêt à emporter à l'histoire finement improvisée. Avec moi-même l'errance. Merveilleux. Grand musicien. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant, nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins non. Je n'ai jamais voulu. Je ne voulais pas. C'est pas de ma foi. La foi me tient plus. Je la greffe et je la coupe et je la colle et je la recolle et je la recoupe et je la tranche en ligne. En ligne, en ligne, en ligne, en ligne droite. On m'a déjà dit quand dans mon enfance, tiens-toi en ligne droite. Ben avec qui? Je suis tout seul, moi là, en ligne droite avec le néant. Oh mon Dieu, tiens-toi en ligne droite avec le néant, c'est beau ça. Oh, hey, je m'en souviens encore aujourd'hui. Je me tiens toujours en ligne droite avec le néant, moi. Ah mon. Puis si le néant veut pas, là, je le mets en arrière de moi. Place le néant en arrière, là, il n'y aura que l'infini devant. C'est beau l'infini, là. Ça s'arrête pas. Ben non, c'est infini. Ben ouais, ouais, bravo. Tu suis ça de près. Là, très près, moi, là. Je prends ça en note. Oh, ça va devenir une pièce de théâtre. Ah, mon Dieu. Êtes-vous certain? J'espère que non, parce que il y a du Michel Tremblay, oui. Il y a du Michel Lemieux, oui. Il y a du Michel Michel, oui. Et il y aura du Rénal Michel. Non, du Rénal Gagné. Ah, mon Rénal Gagné. Donc, en art. Oh, en théâtre, oui, monsieur. Non, moi, l'échelle de Richter. Richter, quand j'ai monté mon Richter, parce que, je vais vous expliquer, là, il m'a abandonné, sans me le dire, mon Richter. Et puis, ben, en fait, je m'en suis rendu compte quand mon chat a miaulé. Moi, j'ai un petit minou. Un petit minou. C'est tellement petit, ce petit minou-là, là. Qu'on pourrait se demander si ce n'est pas une souris. Mais comme il a l'air bête, il ne sourit pas, donc c'est un petit minou. Donc, mon petit minou, parce que c'est pas un petit minou, c'est mon petit minou. Savez-vous comment je l'ai appelé, mon petit minou? Petit minou. Je voulais pas perdre le sang. Moi, regarde, quand je l'ai acheté, j'ai dit, c'est un petit minou. La dame a dit « Oui, c'est un petit minou. » Alors, je l'ai acheté. Et elle dit « Avez-vous de l'argent? » Ben, voyons donc, j'ai-tu l'air d'un petit Jean les culottes, moi, là, là? Prenez-vous les chèques bancals? Les chèques de bien-être de pauvres individus qui cherchent de l'ouvrage et qui n'en trouvent pas? Parce qu'il y a le cœur qui pend dans la pendule? Non, mais moi, je commencerai pas à travailler au salon minimum. J'ai un petit minou, mais je vais vous expliquer ma condition. Je veux avoir un ami. Puis moi, je me dis que, regarde, j'aimerais bien ça travailler, mais pas au salaire minimum. Au salaire maximum. Avec le minimum d'éducation que j'ai, là, j'ai fait des études, moi. Il y a des études de maternelle, là, les crayons de couleur, je les connais par cœur. Dites-moi, là, comme ça. Vite, présentez-moi. Oui, c'est mon grave problème. Je suis comme le hamster, mais moi, c'est pas hamster que je veux, madame, c'est un petit minou. Un beau petit minou. Oh, j'aime ça, les petits. Oui, mais je suis comme le hamster, mais quand je m'emballe, là, tu sais, dans sa roulette, je peux-tu donner une roulette à mon petit minou? Il peut-tu rouler dans une petite roulette? En plus, il est tellement petit.

tu n'es pas venu sur ma vie. J'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu car il ne bat plus, mais il pleure mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et même à présent, je tiendrai serment, malgré tout le mal que tu m'as fait. Sur ma vie, chérie, je la star française, Patrice Corian, auteur, compositeur, interprète, homme à succès, homme à fabriquer des tubes. Alors le voici, la méga vedette parisienne et mondiale, Patrice Corian. À toi l'artiste. Salut mon ami. Comment vas-tu mon ami? Ça va bien toi? Bien. Désolé, c'est intercalé parce que je pouvais pas dire non. C'est pas grave. Ok, comment ça va toi? Rien. Excellent. Oui. T'es patient? Ah ben je suis patient, je suis un gars patient. Moi. Tu m'as dit de venir, je viens, tu vois. Eh oui. Oui. On se voit presque à chaque année, même deux fois par année. Deux fois par an. Février. Oui. Et juillet. Ça commence à devenir du solide. Ah oui, c'est du solide. Oui, c'est toujours du solide, oui. Alors. Que se passe-t-il dans ta vie? Oui. Ben écoute, bonjour mon ami. Bonjour, bonjour. Très bien, très bien. Ben écoute, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ben, aujourd'hui on est dans un contexte parisien très sympathique, habituel on va dire. Oui, ben oui. Hein? Et puis depuis le temps qu'on se connaît, voilà, on retrouve les vieilles habitudes parisiennes, hein, surtout quand tu viens. Ben écoute, ce que je deviens, c'est-à-dire que je suis en pleine création, fusion, sur deux gros projets musicaux. C'est-à-dire? Alors, il y aura beaucoup de mystères dans tout ça. Voilà, pour le moment, il y aura beaucoup de mystères. Il y a des choses. Il y aura beaucoup de mystères. De manière peut-être de faire languir un peu. Ouais, le désir. Le désir, donner du désir, voilà, comme une rencontre amoureuse, un truc comme ça, tu vois. Donc c'est un désir. Pas dire forcé, mais ni calculé non plus, mais je dirai pas tout aujourd'hui. Okay. Je ne dirai pas tout, okay. Mais la prochaine fois, il y aura. Parce qu'en fait, c'est en gestation. Voilà, c'est ça. C'est en gestation et c'est fortement en gestation même d'ailleurs. Et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au niveau du continent et aussi certainement dans un autre hémisphère aussi. Ah oui. Okay. Donc, peut-être, on va dire, dans pas loin de ta contrée, okay. Ou quelque part dans le monde, voilà. Okay. Je peux pas tout dire, mais en même temps, ce sera quelque chose de tout à fait nouveau et par rapport à mon style musical et à la carrière plutôt. À ta démarche, ouais. À la démarche artistique, c'est un virage à peu près à 380 degrés, on va dire comme ça. Complètement. Avec un son, une sonorité, enfin des sons qui sont, on va dire, très, très british. Ok. Inspiré de? Inspiré de beaucoup de d'artistes britanniques et surtout américains. Alors ça peut être des... Que t'as rencontré que j'ai rencontrés, certains, et que je vais rencontrer aussi dans les mois à venir aussi en même temps. On a flashé sur beaucoup de choses, sur des sons, sur des projets, etc. Donc il y a du monde derrière qui sont, on va dire, dans un état latent, mais qui travaillent pour moi aussi en même temps. Et il y a toute une équipe qui est déjà dans la force de la chose pour pouvoir donner tout un potentiel sur un gros single qui va sortir. Ok, quand ? On va dire ça pour l'automne qui arrive. Ah, mais c'est l'automne. Bientôt. C'est bientôt, oui, pour l'automne. Alors, il n'y a pas de date fixe, mais... Tu rentres en studio ou... Oui, ça, on va pas faire ça dans une cave. Non, non, mais déjà... C'est déjà enregistré. Ouais, enfin, c'est déjà enregistré, c'est déjà en programmation, on est en train de construire la chose et en train de fignoler, mais très fortement, tout ce panorama, ce jardin artistique, on va dire comme ça. Mais pourquoi tu veux pas trop donner d'indices? Parce qu'il n'y a rien de signé, il n'y a rien de préparé. Alors si, il y a des choses de signées, voilà. Mais si tu veux, je reste maintenant dans le mystère, qui est beaucoup mieux, si tu veux, sans trop en dire. Quand on entendra et quand ça sera en sortie définitive, là, je pense que le public, les gens et toi-même, tu pourras comprendre le pourquoi de ce mystère. Voilà. Okay. Et tu diras, ah oui, effectivement, je comprends mieux. Voilà. Okay. Mais je préfère rester dans le mystère, même ma disciple Betty Betalouza est dans ce mystère aussi en même temps et partage aussi ce point de vue, si tu veux, pour donner encore plus d'ampleur et aussi plus de force. Tu vois, la force tranquille, elle est là. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on s'est vu en février, vous êtes quitté en désaccord. Alors, il y avait un désaccord, oui et non. On peut dire que artistiquement, on commençait un petit peu à s'essouffler, mais en même temps, il fallait retrouver aussi des nouvelles bases qui sont beaucoup plus fortes. En même temps, on s'est un peu éloigné, mais sans vraiment se quitter. Voilà, on a évolué sur d'autres choses et le temps nous a fait mûrir aussi en même temps. Et ça, c'est une grande force de pouvoir continuer les choses, mais on le fera de manière différente, mais beaucoup plus spectaculaire. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes réunis à nouveau? À quel moment ça s'est... Si tu veux, la force tranquille que l'on a, si tu veux, est toujours restée, si tu veux, dans nos mémoires et aussi au fond de nos cœurs. Et en même temps, finalement, on n'a jamais baissé les bras, si tu veux. Et il y a eu toujours ce petit quelque chose d'indestructible qui est resté au fond de nous et qui est resté, si tu veux, en train de briller. Et le noyau est encore là. Et qui a grandi et qui a finalement redonné un élan beaucoup supplémentaire. Tu sais, dans la vie, il y a des moments où c'est que on descend un petit peu plus bas, puis après on remonte. Et c'est ça qui fait la richesse de la vie, qui fait la force de la vie, si tu veux. On va dire qu'on a été un peu comme le... Ça a été un peu décidé comme ça, mais c'est la vie qui l'a voulu. Un peu comme l'oiseau de feu, le phénix. Ouais. Tout détruire pour tout reconstruire, mais mieux. Et revenir en force. Et revenir en force, d'une force terrible. Voilà. Là, tu parlais d'un single, mais est-ce que depuis le temps qu'on s'est vu, tu travailles sur un concept de disque aussi? Oui, tout à fait. Okay. Voilà, donc il y aura aussi une évolution sur d'autres titres aussi en même temps qui construiront, on va dire, ce qu'on appelle un album, voilà, mais on va généraliser sur un jardin artistique, des créations artistiques dans cette mouvance que l'on a maintenant. Ok. Donc c'est rempli de mystère. C'est rempli de mystères. Mais je sais que tu adores les mystères. Oui, oui, oui, effectivement. Et il suffit de creuser un peu pour pouvoir attirer un peu des conclusions. Mais ces projets-là, c'est pour l'automne. C'est pour l'automne, voilà. Alors l'automne, naturellement, il commence à partir de septembre, voilà. Et 21 ou 22 septembre, je ne me rappelle plus. Et qui va jusqu'au mois de décembre. Donc ça laisse une petite palette, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre. Mais ça sera dans ce milieu-là. Voilà. Okay. Et pendant ces février, mars, avril, mai, juin, juillet, en 5 mois, qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu as travaillé sur le projet? Ah oui, oui. Alors c'était de... À quel moment ça s'est clarifié? Est-ce que c'est lorsque je suis parti en février que tu as commencé à travailler sur le projet? Il était déjà un peu en gestation, mais de manière toute simple. Voilà. Mais il y avait déjà un début d'écriture, mais qui s'est forgé, qui a donné naissance, si tu veux, à une forme d'écriture qu'il a fallu polir aussi en même temps, parce que le travail d'écriture a été très long. Il est toujours très long. Il y a toujours des mots qui sont limés, ajustés, enlevés, rajoutés, etc. Avec beaucoup de mystères aussi dedans. Donc finalement, c'est un... Enfin, le titre principal, on va dire comme ça, qui a un groove monstrueux, il a un mystère dedans. My desire to exist. Je roule plein fin dans ma vie, en jouant le beau kéké de Passy à Neuilly. J'ai envie d'exister. J'aime les Porsche, le champagne, l'été à Saint-Tropez, le ski à la montagne. J'ai envie d'exister. J'aime la mode haute couture, Dior, Jean-Paul Gaultier, en habit, en chaussures. J'ai envie d'exister. Mon travail, les affaires, mais j'aime pas en parler, conscient d'être une poussière. J'ai envie d'exister. J'aime le luxe, j'aime le cuir, les bijoux de chez Cartier. Dans mes yeux tu peux lire mon envie d'exister. Question cul, j'aime le chic, dans le genre bien sapé, qui me claque pas mal de fric. J'ai envie d'exister. J'aime le golf, le cigare, le thé chez la durée, le Ritz et le caviar. J'ai envie d'exister. Mais voilà, je rêve ma vie, je suis riche que de mes pensées, en montrant ce que je suis. J'ai envie d'exister. En arrivant sur terre, le jour où je suis né, j'ai hurlé à ma mère, mon envie d'exister. J'aime le luxe, j'aime le cuir, les bijoux de chez Cartier. Dans mes yeux tu peux lire mon envie d'exister. Tu cherches ton importance avec une apparence, un deal sans ordonnance, une envie d'exister. J'aime le luxe, j'aime le cuir, les bijoux de chez Cartier. Dans mes yeux tu peux lire mon envie d'exister. J'aime le luxe, j'aime le cuir, les bijoux de chez Cartier. My desire to exist, my desire to exist. Il a un mystère. C'est un codé, on va dire comme ça, voilà. Codé, mais qui a tout son sens derrière. Donc, faudra énormément. Donc, finalement, on est dans le mystère. Peut-être qu'il s'appellera Mystère aussi, l'album. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Il y a beaucoup de mystères, mais des choses très, très profondes et intéressantes qui sont derrière tout ça, avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de, de force et puis de, d'émotion. Est-ce qu'on peut dire que c'est une suite logique de ce que tu as fait par le passé? Je dirais que c'est une évolution, une révolution même intérieure, aussi bien pour les deux personnes, voilà, qui sont concernées, mais principalement pour moi aussi. C'est une révolution, une logique du phénix qui renaît de ses cendres. Comme tu disais, oui. Voilà. Et ça s'est clarifié à quel moment pendant les cinq mois que l'on ne s'est pas vu? C'est plutôt vers le début de l'été ou, Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le soleil peut-être a donné un rayon de soleil de la vitamine D aussi. Et puis aussi des rencontres aussi en même temps qui ont permis de pouvoir clarifier le projet. Et puis d'avoir des accords aussi en même temps, de trouver une nouvelle équipe, parce que c'est une nouvelle équipe aussi qui sera là, pour pouvoir faire ce projet avec des personnalités connues, qui seront dévoilées quand le projet sortira. Voilà, et on peut utiliser, alors les gens, on pourra peut-être utiliser plus tard ce genre de truc, mais j'aime pas trop, mais ça va, il y a du lourd. Ah ouais, okay. Il y a du très lourd. Voilà. Il y a du très lourd, mais on va dire, pour aller dans un projet, si tu veux, on ne peut pas faire de l'à peu près. C'est un challenge pour moi. C'est un gros challenge. Et ce challenge-là, c'est un défi à relever. Et la barre, il faut la mettre très très haute, de manière à être crédible, mais en même temps, quand on veut changer les choses, il ne faut pas faire de l'à peu près ou du petit. Ou on change ou on change pas. Ouais, oui. Ou on monte ou on monte pas. C'est ça. Et quand on monte, il faut monter très haut. Ouais. Il faut être prêt. Il faut être prêt à tout. C'est-à-dire, disons que pour tout te dire, il faut penser à l'inimaginable. Oui. C'est-à-dire. Il n'y a pas de limite non plus. Ah oui, là je. Nos limites. Ça peut être le titre de l'album aussi. Hein. Ouais, ça peut être bien des choses. Mais c'est vrai qu'il y a un côté mystérieux, mais en même temps, qui est logique parce que. Les liquides sont mystérieux, et les gens sont mystérieux qui sont derrière et qui ont une renommée internationale aussi en même temps, parce que on travaille sur l'international, voilà, on ne travaille pas dans le petit, j'ai rien contre le petit, mais quand on veut faire les choses et qu'on a besoin de grandir, c'est ça aussi, j'avais besoin de grandir personnellement, voilà, artistiquement, je me sentais un petit peu étouffé aussi artistiquement et ne pas pouvoir donner... ce qui me plaisait vraiment. Okay. Là, j'ai fait de belles choses aussi, ça je n'en parle pas, ce qui a été fait dernièrement et puis dans le passé. Mais là, maintenant, c'est on est sur le tas de sable. Parce que là, tu es enfin prêt à rebondir. Alors, je suis prêt à rebondir, mais vraiment avec une telle force aussi en même temps, parce que ça se ressent, tu vois. Et aussi, c'est de travailler autrement, voilà. Et il y a même des gens que j'ai travaillé avec le passé, etc., avec des gens du métier, tout confondu, hein, dans le milieu artistique, influenceurs, tout ça, il en faut, hein, quand tu lances un projet. Certains que je trouve, je vais pas dire le mot dépassé, mais voilà, ils ont un peu du mal à me suivre, si tu veux, parce que je mets la barre très très haut. Alors, il y en a qui sont prêts et qui ont la force, la capacité, mais c'est tout à fait des nouvelles personnes et une nouvelle équipe, voilà, qui sera là pour pouvoir donner de cette impulsion et puis ce travail aussi en même temps. Je suis devenu très exigeant avec moi-même, très exigeant. Et en même temps... Là, je leur mets la pression. Là. Je mets la pression. Alors, juste avant ton interview, et tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, un influenceur, et j'y mettais la pression déjà, tu vois, une grosse pression qui dépasse ses limites. Mais est-ce que tu as peur de que ces gens-là ne te suivent pas par le projet? Si, ils me suivront par le projet, parce que le projet, il y a certains qui le connaissent un petit peu, ou pas du tout, mais ça les intéresse parce que... ils sont prêts déjà à me suivre parce que ils savent mes capacités et une certaine folie. Et que j'irai et je peux les amener aussi très loin. Le succès du. Voilà, le succès de l'un fait le succès de l'autre. Bien d'accord. Et c'est ça qui donne cette force. C'est pas devenir prétentieux ni rien du tout, mais c'est pouvoir se dire, voilà, c'est, je m'imagine comme un peintre, voilà. Comme un peintre devant une toile blanche que j'ai remplie de couleurs. Et ces couleurs sont les musiques. C'est des chansons messages, etc. D'accord. Avec beaucoup de mystère, mais avec une grande créativité, une grande puissance mélodique aussi en même temps, et des titres qui sont hyper mémorisables, avec une grande puissance musicale. Est-ce que les titres sont écrits, ou si c'est encore en gestation? C'est en partie écrit, voilà. Déjà, les textes sont déjà quasi terminés. Bon, à la dernière minute, il y a toujours un truc qu'on enlève, qu'on remet, ça c'est toujours là. Mais voilà, il n'y a pas de mixage pour le moment définitif, il n'y a pas eu de mastering définitif. Enfin, toutes ces choses qui combinent pour faire un titre en puissance. Voilà, mais il y a un travail qui est continu, il y a un travail de plusieurs mois. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent faire un titre en une journée ou deux jours, voilà, après chacun son truc. On peut trouver quelque chose, il peut y avoir des choses exceptionnelles qui peuvent se faire en 5 minutes, voilà, comme Brassens pouvait le faire, voilà, tu vois. Mais je travaille un petit peu comme un confrère qui s'appelle Laurent Voulzy. Et Voulzy, Laurent Voulzy, lui, travaille, il est très très lent à travailler. Ouais. Quelqu'un qui est méticuleux. Je suis extrêmement méticuleux là-dessus, je suis devenu extrêmement méticuleux, encore plus qu'avant. Mais il ne presse rien, donc il laisse les choses venir. Oui, là, c'est ça. Donc, je suis un petit peu comme ça. Je me suis volontairement mis en léthargie, si tu veux, pour pouvoir créer, c'est-à-dire ne pas m'envahir sur d'autres choses, si tu veux. Me centrer sur moi, devenir un peu égoïste, tout en me centrant sur les autres aussi, naturellement. Mais il fallait absolument que je me retrouve et que je puisse renaître de mes cendres, voilà. Que j'ai volontairement, j'ai notamment brisé l'ancien pour devenir le nouveau. Voilà. On va dire, il y a des risques, c'est sûr. Mais les risques sont calculés, mais en même temps, se sentir bien déjà, et puis dans sa peau, et dans le projet, et puis dans sa peau aussi en même temps, et de remonter tout ça, hein, bah, ça monte tous les jours, voilà, comme si tu remplis un verre d'eau. Voilà, sans le faire déborder naturellement, et que ce verre d'eau soit assez frais puis appétissant, de manière on va dire gustative, et sentir cette fraîcheur qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc c'est donner toujours un petit peu de son quotidien et savoir brosser les choses, c'est-à-dire réfléchir, enlever, rajouter, etc. Sans trop non plus bousculer et puis dénaturer un peu la chose, le projet au départ initial, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau et en même temps excitant. C'est très excitant pour moi d'être dans ce projet musical assez fort. Je vois dans tes petits yeux que l'intrigue, tu te demandes mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter. Est-ce que c'est en français ou en anglais? Ah, alors là, je sens le rénal qui ressurgit là, qui monte à la charge là. Je le sens, je me disais depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui va me sortir? Parce que je sais que tu creuses en même temps, mais là, c'est à la pelleteuse que tu y vas. Hein. Ouais. Ou au marteau-piqueur. Bah écoute, les deux. Tu as une bonne déduction, ouais, les deux qui sont qui vont être nécessaires par rapport au projet. Et il y a un petit mélange que pouvait faire à l'époque, on va dire Gainsbourg, qui mélangeait un petit peu l'anglais et puis le français, mais qui est nécessaire, qui n'est pas non plus calculé, mais qui est nécessaire. Bon, ça rajoute du mystère aussi en même temps, mais en même temps, il y a une raison. Une grosse raison, qu'on pourra découvrir plus tard. Et là, lorsque tu vas lancer le projet, tu vas déjà avoir la chanson, le clip aussi? Les deux. Qui seront tournés quelque part. Okay. Quelque part. Toujours à la rentrée. Dans le monde, voilà. Mais toujours à la rentrée. Avec une nouvelle équipe, une nouvelle formule, nouvel endroit et qu'on va comprendre très rapidement, vu les images. Comment tu as fait pour trouver ton équipe? Est-ce que c'est eux qui sont venus à toi ou toi qui. Alors c'est moi qui au départ qui ai. J'ai cherché, enfin j'avais des petites idées comme ça, et puis finalement alors ça s'est fait 50-50. Ils sont venus à moi et je suis venu à eux aussi en même temps, donc Et ça tombait bien. Et on était fait pour se voir et se rencontrer. Vous étiez prêt à vous rencontrer. Voilà. Et ça a matché tout de suite, quoi. Voilà, tout de suite. Et la folie de l'un a entraîné la folie de l'autre. Ah oui, ok. Voilà. Et il y a des. Ce que je voulais, c'était pas de l'à peu près, c'était des gens qui sont très bien, hein, si tu veux, mais je voulais quelque chose de fort et de tout à fait nouveau. Voilà. Voilà, une richesse et donner beaucoup d'émotions, voilà, transpirer de l'émotion. C'est même pas demander de l'émotion à 100%, c'est demander de l'émotion à 500%. C'est un gros boulot en même temps, et c'est sûr que ça presse les équipes aussi en même temps, mais ça les excite aussi en même temps, parce que quand tu demandes à quelqu'un de mettre la barre très haut, même si on te dit tiens, j'ai ça, c'est super bien, non, c'est pas super bien, ou ah ouais, c'est pas mal, il n'y a pas de pas mal, il n'y a pas de super bien, il faut que ça soit. Voilà, bah, y a pas de mots. Quand tu dis il n'y a pas de mots, tu dis t'écoutes un truc, voilà, ou tu vois ou un film, par exemple, et que tu restes bouche bée, le silence veut dire quelque chose. Il est encore supérieur par rapport aux paroles. C'est-à-dire, ouais, c'est très bien. Moi, des fois, les trucs qui me scotchent, même dans un film, par exemple, ou une toile de maître, on est dans l'artistique aussi en même temps. Et des fois, je vois dans des musées ou des galeries, par exemple, j'aime beaucoup grapahuter dans les galeries parisiennes, par exemple, et du monde entier, des toiles qui me donnent une émotion terrible et qui me... Et d'autres personnes me disent « Ah bah, je vois pas... » Moi, ça m'émeut et puis en même temps, je trouve pas les mots. Si on me dit « Tiens, tel tableau, par exemple, ou tel film, je suis là, je dis, j'ai rien à dire, je reste bouche bée parce que je suis... Je dis chapeau bas à respect. » Ouais, ouais, c'est des émotions. Donne mes sourires pour oublier tes larmes. Avec toi je revis, je suis une autre femme. Obrigada. Obrigada. Le matin je me maquille, ce n'est que pour te plaire. Fais de moi ta princesse et j'y verrai plus clair. Mon soleil des tropiques brûle tes années galères. Et les terres de Loza me murmure tout bas, bête Veika, bête Veika. Mais je cuida do menino, te amo com tanto carinho. Não te percas nos braços, com outro amorzinho. J'adore ton déhanché quand tu danses près de moi. Et moi tous tes silences qui me parlent de toi. Avec ce sang qui coule dans nos veines chaque jour, cette couleur dans nos cœurs. C'est le rouge de l'amour, mais je couille ta douleur. Jusqu'aux sourcils. L'artistique, que ce soit de la musique, que ce soit un peintre, que ce soit autre chose, c'est de l'émotion, pure. Voilà, et c'est, moi, je me considère un peu comme un peintre artistique, musical, si tu veux. Voilà. Je peins une toile, mais qui sera audible. Voilà. Et ça, c'est en fait, c'est à travers les notes que tu as prises, parce que tu es toujours en train de prendre des notes. Des... Je prends des notes tout le temps. Tout à l'heure, j'étais... je suis arrivé, tu m'as vu, là, j'étais en train de prendre des notes. Je prends tout le temps des notes, voilà. Et je... Alors je peux, là, je peux dire un petit secret qui n'est pas un secret, mais pour faire... que tu aurais pu me poser comme question, d'ailleurs, mais je sais que tu m'aurais posé cette question. Comment je peux écrire, voilà. Comment j'ai écrit, si tu veux, ce nouveau projet artistique. Ah ben, écoute, ça a commencé au départ naturellement avec une feuille blanche, mais la feuille blanche, j'ai mis rapidement de côté. Ça venait pas. Ça venait, mais j'avais juste... un truc, un tic dans la tête, quelque chose, et je me dis, je vais faire ça, mais j'avais pas le fil conducteur encore, en général. Enfin, je l'avais, mais je sais pas comment commencer. Ce que j'ai fait, là, j'ai juste pris mon portable dans ma poche, des bouts de mélodie en me promenant dans Paris, voilà, ou dans toute la France, hein, dans le nord, dans le sud, etc., parce que je voyage beaucoup. Ah ben, je me suis dit, ça je prends, je verrai bien ce que je vais en faire. Un bout de mélodie dans la tête, de toute façon, quand tu te balades quelque part, tu n'as pas toujours un piano ou un instrument ou quelque chose. Ah ben, tu fais du la la la, tu fais du yaourt en anglais, et tu trouves quelque chose, un bout de mélodie, un bout de machin, un truc, un son, que tu prends ou que tu ne prends pas. Donc, le téléphone que tu vois sur la table, il est rempli de bouts de machin qui raconte l'histoire de ce projet. Et en même temps, les paroles viennent... comment j'écris ce nouveau... Concept, ouais, on va dire concept très mystérieux, dans la rue. Donc en marchant, que ce soit sur une plage, que ce soit dans la rue, une rue parisienne, ou des abbesses, si vous voulez, j'ai créé dans la rue, principalement, et tout m'est venu dans la rue, au niveau parole aussi, même musicalement aussi en même temps, il y a eu de la la la, etc. Ça va qu'il y a un dictaphone sur le portable qui permet beaucoup de choses, voilà. Et les paroles, bah, je les ai construites comme ça. Et ça m'a donné des petits bouts de phrases, des petits bouts de machin, un bout de refrain. Là, c'était de la construction, voilà. J'étais en train de faire de la maçonnerie, voilà. J'étais en train de tisser ma toile, tu vois. Et avec mon pinceau, j'ai commencé à colorer tout ça. Et puis, c'est venu au fur et à mesure. Alors, il y a des jours avec, des jours sans. Des jours où c'est que c'était horrible. Il y a des choses... ça allait pas, ça collait pas, et au fur et à mesure, bah, tu cherches, et le force de vouloir monter la barre très haut pour dire non, ça c'est bien, mais c'est pas assez bien. Pas assez bien, et même quand c'était assez très très bien, c'était pas encore assez très bien, tu vois, il fallait monter, et c'est comme ça que ça s'est construit, pour pouvoir donner quelque chose de très... ce que je voulais, c'est un son anglo-saxon, tu vois, très... Et là, je pense qu'on a réussi à trouver le feeling et les choses, on va dire, très américaines aussi en même temps. Voilà, est-ce que c'est conceptuel, un peu comme Melody Nelson? C'est une histoire? Ouais, ça peut être dans ce genre-là, si tu veux, de la construction. Après, dans le thème musical, non. On n'en est pas, okay. Là. Mais c'est une histoire que tu racontes. Ouais, c'est une histoire. La première chance, oui. Melody Nelson, c'est très énigmatique aussi en même temps. Voilà. C'est comme dans ma tête de chaud. Voilà, alors ça peut faire une balade, mais c'est une balade qui est aussi dans un groove très rythmé, une rythmique très monstrueuse. Donc finalement, il y a un compromis là-dedans, finalement. Mais il y a beaucoup de douceur aussi qui en ressort, voilà, avec un travail de voix, avec un travail de son. Les sons sont très importants, ils ont été étudiés, ils sont quand même encore réétudiés. Et même au mix final, voilà, ça sera encore réépluché par des personnalités. C'est des personnalités qui sont là pour pouvoir vraiment aiguiser le son et lui donner toute sa force et toute sa puissance. Je ne voulais pas travailler, si tu veux, même avec des très bons sur les sons, je voulais l'excellence. Et l'excellence, ça sera là. Est-ce que lorsque tu as commencé à écrire, tu avais déjà l'histoire? Oui. C'est une... Ce que je raconte là, c'est... par rapport à l'écriture. C'est une belle histoire. Belle histoire. Il y a beaucoup de soleil aussi en même temps. On peut sentir un peu de la... Parce que la vie est faite de joie et de peine aussi en même temps. De joie, de peine, un peu de déception, mais qui fait partie de la vie en même temps et qui a toujours cette force tranquille qui est derrière et qui pulse en même temps. Et malgré nos abattements dans la vie, bah, on est toujours là pour remonter. Finalement, c'est une chanson phénix aussi en même temps. Ouais. Voilà. Elle renaît, descend encore. Tout va sur le phénix. Mais tu travailles uniquement sur une chanson ou sur le concept? Sur le concept. Okay. Et en juillet prochain, tout sera fait, tout sera... À l'année prochaine, ouais. Ah bah bien sûr, tout sera déjà sorti. Présenté au public. Oui, depuis longtemps. Depuis, okay. Depuis longtemps et présenté au public de manière sur tous les médias possibles et inimaginables. Et aussi sur les radios, sur les FM et puis international ou pas. Est-ce que tu vois suite à ça un spectacle? Est-ce que tu veux monter ça sur... Oui. Tout à fait. Il y a aussi ça, il y aura aussi de la scène aussi qui est prévue grandement. Et puis, je sais que Betty attend ce moment avec impatience. Elle me fait totalement confiance et ça, je la remercie parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup dédié en même temps, mais qui joue sur la confiance. Elle a une confiance aveugle et elle sait de quoi je suis capable et de quoi je suis capable d'aller. Est-ce que tu veux monter sur scène avec des musiciens ou avec une trame sonore? Alors, quand ça sera, si tu veux, dans des milieux où le son a besoin d'un traitement supplémentaire parce que il y a des moyens techniques qui ne suivront pas, oui, ça sera un travail sonore derrière, si tu veux. Mais il y aura une préférence, et ça sera une nouveauté, d'avoir des musiciens derrière. Voilà. Avec. Guitare et même moi aussi, guitare et puis synthétiseur, voilà. Synthé, guitare. Ouais, synthé, ça sera certainement un Moog, hein, un mini Moog qui ira derrière, voilà, parce que le son sera très très Moog. Okay. Ah, je te donne juste une petite indication, Mathieu. Il y a du Moog. Tu connais le son Moog, hein? Oui. C'est un son légendaire, oui. Mais qui a fait ses preuves dans le monde entier, dont Jackson utilisait, James Brown, etc. Mais sans les nommer, mais. Ça a été nécessaire, c'était une volonté de ma part hein, de trouver ce son et puis cet appareil qui va nous suivre, voilà, qui a donné aussi qui est le reflet aussi de ce concept. Voilà. Ok. Et cette idée-là, tu l'es venue quand? Cette idée-là m'est venue après le mois de janvier, voilà, fin janvier, voilà. C'est... Alors lorsqu'on s'est vu en février, tu avais déjà... J'avais déjà des petites bribes comme ça, mais je pouvais pas en parler parce que c'était juste dans la tête, si tu veux. Et j'avais des bouts de phrases dans c'était la tête. C'était pas encore très clair. Non, c'était pas encore très clair et je ne savais pas où aller ou comment faire, etc. Et j'attendais les contacts, si tu veux. Les contacts m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce qu'il y en a qui s'inquiétaient pour dire... Tu fais quelque chose ou pas? Je pouvais faire quelque chose, mais je n'avais pas envie. C'était pas prêt. J'étais pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, on ne fait pas. Alors je préférais jouer sur l'impatience des gens, puis se dire oh, il ne fait plus rien, ou, etc. Mais non. Désirer. Voilà. Mais tu vois, c'est aussi. On peut penser aussi, ouais, on ne fait rien, etc. C'est vrai, des fois on se dit, tiens, tel chanteur, on n'entend plus, etc. On pense qu'ils ne font rien, mais si, la plupart travaillent, etc. Oui, il y en a qui ne font rien aussi, hein, ça peut arriver. Mais en même temps, comme vous le dites par exemple, on croit qu'il ne fait rien, mais il travaille énormément ce mec. Et il mixe, il démixe, il remixe, il est aussi fou que moi, il est même plus fou que moi, lui. Puis souvent, il se prépare à rebondir. Voilà, et rebondir... c'est un plus dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas rester toujours dans les acquis. Il faut toujours évoluer. Ouais. Voilà. Quand il y a la fin de quelque chose, il y a toujours un début. Ouais. On est bien d'accord. Voilà. Ouais. Et ce début, c'est une nouveauté tout en ayant, si tu veux, cette force ancienne qui va s'améliorer, qui va éclore comme une bonne fleur, par exemple, et qui va donner plein de bourgeons. Voilà. Donc il y a seulement ces fameuses racines, ce petit brillant. Ouais, qu'il y avait, si tu veux, même dans ce duo, tu vois, il était toujours à l'état latent, il n'était pas mort, rien du tout. Quand tu as une force intérieure indestructible, cette force indestructible ne peut pas s'en aller. Ouais. Elle reste toujours là. Ouais. Même si ça dure des années, dans un coffre-fort, par exemple, quand tu ouvres la porte, ça brille encore. Ouais. Voilà. Mais après ce concept-là, ça risque d'être encore plus difficile de faire quelque chose d'encore plus fort. Alors on fera si ça marche bien et ça on le souhaite, ouais, ça sera toujours, faudra monter la barre toujours plus fort. Mais il y a des cartouches. Ouais, il y a des cartouches. J'ai les cartouches dans le tiroir et avec des trucs aussi délirants, mais faire vraiment ce qu'on a envie de faire, mais ce que j'ai envie de faire aussi principalement, c'est-à-dire me sentir moi. Moi, vraiment. Voilà. Te sentir à l'aise dans ton projet. Voilà, exactement. Avant, j'étais à l'aise, oui, c'était bien, etc. Mais bon, je faisais des trucs qui me plaisaient comme ça, etc. Mais il y avait du moi, naturellement. Mais du 100% moi, là, maintenant, oui. Là, c'est moi. Et je reviens. Je reviens, mais autrement. Et tu étais enfin prêt à ce changement, à ce virage. Ouais, il était nécessaire. Car je commençais à me scléroser et en même temps à me sentir... si j'ai tout détruit, enfin détruit c'est un grand mot, mais détruire pour tout reconstruire. Parce qu'il fallait que je puisse me reconstruire. Donc finalement, bah, volontairement, j'ai voulu toucher le fond, exprès. Donc ça, c'est une méthode qui est à risque, pour pouvoir rebondir. Il faut savoir rebondir pour pouvoir se donner cette force supplémentaire pour sortir de l'eau, voilà, carrément à plein poumon, parce que là, t'étouffes. Au bout d'un moment, tu sors de la mer et en même temps, tu te dis, voilà, maintenant, je suis prêt à faire des choses. Et c'est là que tu as cette force. Si on n'a pas la force en nous pour pouvoir faire les projets ou les choses, même dans la vie, quelles que soient les choses dans la vie, ben on ne fait rien. Et on reste à stagner et puis on ne bouge pas. Et là, c'est ainsi que tu fais beaucoup de studios. Tu travailles dans ton studio. Oui, alors dans plusieurs studios. Il y en a plusieurs. Il n'y en aura pas qu'un. Il y en a beaucoup plus. Okay. Il y a à peu près... Il y a 1, 2, 3. Alors on va dire 3 studios, on aura peut-être 4. Même. Okay. Et tu travailles, tu es toujours rendu voilà, là-bas. Voilà, on se coordonne. On se coordonne par rapport à des studios bon, qui sont assez proches ou très lointains, parce qu'il y a des studios qui sont très très lointains ou à travers le monde. Okay. Voilà. Et qui sont à des heures d'avion d'ici. Mais, ouais. Mais ils sont là pour te représenter, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Et ils te ramènent, ils te font écouter ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc je sais journellement ou dans la semaine ce qui est fait, ce que je désire, ce que je ne désire pas. Et après, faut laisser aussi décanter comme une eau. Voilà. Laisser décanter les choses pour pouvoir avoir du recul. Oui. Parce qu'on peut faire des choses, même oui. Très bien, mais avec la distance, au bout de quelques jours, ou même une semaine ou deux semaines, ah ouais, mais là, c'est... non, c'est pas ça, tu vois. Il faut savoir, parce que sous le moment, tu fais plein de choses et tout dans l'émotion, et puis finalement, tu te rends compte au bouquet final que, ah ouais, c'est bien, mais le mais, il est là, tu vois. Ah ouais, ouais. Faut pas de mais. Donc, je préfère avoir, si tu veux, de la distance pour pouvoir réaiguiller les choses, limer, enlever ce mais. Et voilà, et c'est comme ça qu'on réussit un petit peu les choses. Enfin, ça, c'est un peu mon concept, le travail. Donc, c'est de l'exigence extrême. Ouais, ouais. Ouais. On va dire en terme, on va dire en français, on va dire, enfin, tu connais le terme. Ouais, je suis devenu chiant. Voilà. Ouais, très ouais. Chiant. Ouais, ouais. Mais je fais pas de cadeaux, mais en même temps, c'est pas non plus être méchant, c'est une exigence extrême. Je suis devenu, je l'étais déjà auparavant, mais je suis devenu perfectionniste. À l'extrême, je laisse rien passer, même le moindre son qui cloche ou quelque chose, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, je l'entends. Même des fois, il y a des ingénieurs du son qui me disent « Mais comment tu fais pour savoir qu'il y a un truc derrière qui va pas ?» Des fois, ils cherchent pendant des heures, ils ne trouvent pas. Alors moi, ça m'énerve, je dis « Si, il y a quelque chose là. » Et quand ils décortiquent bien, « Ah oui, c'est vrai, il y a une erreur de programmation, il y a un clic, il y a quelque chose. » Voilà, c'est... Des fois, ça peut se mélanger avec beaucoup de choses et puis ne pas pouvoir trouver. Moi, j'ai... Je sais pas, j'ai une oreille, je sais exactement si derrière il y a quelque chose qui cloche, voilà, ou s'il y a un chou dans la soupe. Je le sens tout de suite. C'est un ressenti, je peux pas t'expliquer pourquoi, j'en sais rien, je suis comme ça. Et j'aime bien, je veux que ça soit parfait. Et je veux. Alors je sais bien que le parfait n'existe pas, mais je cherche toujours l'excellence. Ben oui. Et je le chercherai tout le temps, c'est-à-dire, c'est pour ça que tu me donnais par rapport aux autres, au futur et aux prochains titres et puis aux prochaines compositions, c'est-à-dire dans l'avenir, oui, je serai toujours dans l'excellence pour rechercher un niveau... Le zénith. Les bulles de silence nous séparent. histoire. Les bulles de silence nous égarent. Sur le quai des brumes de notre histoire, j'y croyais quand tu me souriais comme la Joconde. J'y croyais à ton amour grand comme le monde. J'adorais quand tu me donnais tes rendez-vous dans les cafés, place des je t'aime. J'étais pour toi, monsieur Bijou. J'y croyais quand tu me tenais par la main du ciné de la place Clichy à ton appart avenue Saint-Ouen. Les bulles de silence nous séparent dans les pages de notre belle histoire. J'y croyais à nos plus belles années du monde, qu'on aurait pu savourer chaque seconde. J'adorais ta mèche qui tombait sur tes yeux en dégustant une tasse de thé avec un sourire malicieux. J'y croyais fonder un jour une famille. J'ai conservé ton beau message, j'en ai encore les yeux qui brillent. Le mystère. On peut pas trop en parler. On peut pas trop en parler, on peut en dire un peu, mais je te dis un petit peu de choses, tu vois. Bon, des brides, voilà. Le côté international de la chose. C'est un projet, il est dans les quatre continents, on va dire comme ça, que j'ai voulu avoir les meilleures personnes possibles qui m'ont dit oui. Voilà, parce qu'il fallait un oui quand même pour travailler. Mais quand tu sauras les personnes qui ont travaillé dedans, tu me diras effectivement, je comprends mieux le mystère. Ouais. Et là, tu peux le présenter ici ou partout en même temps? Alors, ça commencera à Paris, mais qui est la plaque tournante, c'est-à-dire qui est décisionnaire, où je suis, mais en même temps partout. Sur tous les médias, sur tous les supports. Et puis, il y aura Spotify, naturellement, YouTube, Shazam, enfin, tout ce que tu veux. Enfin, tout ce qu'il y a confondu, et puis les radios aussi, voilà. Il y a déjà des radios que j'ai sollicitées, voilà, et dont quelqu'un travaille dessus, va travailler dessus pour pouvoir le proposer, pour le mettre en programmation. Alors, on peut dire que les radios attendent. Voilà. C'est ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. Les radios attendent, et qu'ils attendent, voilà. De toute façon, c'est à moi de de présenter le plat de résistance comme il faut, mais pas façon troqué, on va dire comme ça, le plat de résistance, mais façon style de train bleu à Paris, ou alors un grand restaurant parisien sans le nommer, mais voilà, mais c'est-à-dire c'est de la gastronomie, on va dire. De la haute gastronomie. De la très haute gastronomie. Écoute, on va suivre ça de très près. On va en connaître davantage. On va avoir des clés bientôt. Il y a des clés. Il y aura de toute façon, je te donnerai des clés par moment, voilà, qui t'aiguilleront un petit peu, mais sans trop te disperser, mais sans trop en dire en même temps. Okay. Mais tu sauras l'actualité, l'évolution de l'actualité, etc. Je te dirai quand ça commence à être prêt, etc. Ouais, voilà. Tu auras quelques photos, par exemple, de studio, des trucs comme ça, voilà. Quand tout sera... Parce que tout sera calculé, si tu veux, par rapport... Je peux montrer des photos, etc., de studio, etc., de gens aussi en même temps, mais... Tu veux que ce soit le moment. Le moment précis. C'est un moment que je savoure, si tu veux. C'est comme si je faisais une pièce montée, tu vois, et que je le présente dans un mariage. Ouais. Et que les mariés puissent dire waouh. Wow. Le mot waouh, je veux qu'il soit là, si tu veux. Ouais. Sinon, tu vois, ce travail qu'il y a, c'est du beau travail. Et puis, c'est beaucoup de réflexion. C'est un travail d'esprit aussi en même temps. Et puis, physiquement, c'est fatigant. C'est très fatigant. C'est bien, même nerveusement aussi en même temps. Ça met les nerfs sous pression, mais je travaille pas nerveusement parce que c'est un plaisir. J'ai une confiance et c'est un plaisir et c'est un challenge. Ouais. Et là, si tu veux, comme un athlète de haut niveau, je suis prêt. Et je serai un moment encore plus prêt d'ici quelques mois, tu vois. Ouais. Au fur et à mesure que ça prend de l'importance et que le tri. Ça prend forme aussi. Ça prend forme et que les titres seront dans un calibre monumental, c'est-à-dire, c'est comme si j'avais une sorte d'artillerie ou un canon monumental à envoyer pour dire sais que je n'aurai pas peur, si tu veux. La peur ne sera plus là. Naturellement, il y a toujours une petite appréhension, c'est normal quand on fait quelque chose. L'accueil, voilà, se dire c'est le moment, mon Dieu, tu mords les doigts. Tu sais que c'est excellent, mais en même temps... Est-ce que ce sera bien accueilli? Voilà, bien accueilli, parce que ça peut être des gens qui sont très bien et qui, des fois, qui sont... Tu passes à côté. Tu passes à côté, et puis après, qui sont accueillis plus tard, etc. Quand on fait quelque chose, on le fait bien. Mais je suis très confiant là-dessus, je sais que ça sera bien accueilli. J'ai tout... On va dire tout programmé, on va dire pour ça, parce que ce serait prétentieux, mais j'ai extrêmement... réfléchi à la question et ça ne peut pas être autrement. Je suis quelqu'un de très positif et de très combatif. Alors on peut dire que on est en attente. Et de ton côté, tu travailles très fort. Oui, je travaille très fort et je réfléchis très fort. Et est-ce que tu veux prendre des vacances avant Oui. De toute façon, là, j'ai pris quelques temps de vacances là, et puis j'en aurai encore d'autres, un petit peu, mais pas énormément parce que tu veux pas laisser dormir la femme. Non, le mois d'août sera très très en travail, voilà. Faut travailler. En arriver au mois de septembre. Voilà, pour arriver au mois de septembre, pour dire voilà, ça y est, on va commencer maintenant. À présenter, à tourner les boutons pour se dire maintenant, on va commencer à accélérer. Voilà. Parce que là, je pourrais accélérer, mais je n'accélère pas du tout. Je préfère laisser rouler tranquille, ne pas user la voiture, et après appuyer sur le champignon. Ben écoute, c'est une histoire à suivre avec beaucoup d'intérêt et de suspense. Alors, ben merci encore d'avoir passé à mon émission. Bah écoute, c'est toujours un plaisir déjà d'être dans ton émission et puis de me faire confiance et aussi de te voir en tant qu'ami parce que bon, depuis le temps on est devenu amis, hein, une amitié. Oui. Et je ne dis pas non, comme je t'ai dit, de venir au Québec. Oui. J'ai dit Québec, hein. J'ai pas dit autre chose. Non, la dernière fois, j'ai bien retenu la leçon. T'as bien travaillé. Oui, j'ai bien travaillé la leçon. Bien travaillé, oui. Et au Québec, et, il n'est pas impossible que le projet se rende là. Voilà. Mais je ne préfère ne rien dire encore. C'est fort possible. On peut dire que tu as des tentacules qui sont là-bas. Voilà. Okay. Donc, ça sera un plaisir de se revoir là-bas. Oui, ben oui. Pour la promo, par rapport à ce projet, etc. Et se informer. OK. Bon, là, on ne peut pas trop en dire. On va laisser ça comme ça. Alors, c'est une histoire à suivre, à l'arboyure et, comme on dit dans le milieu, merde. Rendez-vous sur le tas de sable. Et oui. Ne jamais répondre à merde. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais rendez-vous sur le tas de sable. Parfait. Avec la pelle et le râteau. Oui. Alors, en attente de voir l'œuvre d'art. Cette œuvre d'art qui j'espère, qui sera accrochée dans de nombreux musées, on va dire. Ok. Voilà. On ne peut pas rien rajouter. Voilà. Merci. À toi aussi, merci mon ami. Salut, bye. Bye. Cool. Love.